Kliman. Bonjour à vous tous, nous sommes le 10 juillet 2019. Voici les grands titres de cette édition. À l'occasion de la célébration ce 9 juillet du 243e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique, la chargée d'affaires à l'ambassade des États-Unis à Bujumbura a appelé le Burundi à des élections apaisées et transparentes. Le pont reliant la zone Mouyébé et la zone Moussigati, toute de la commune Moussigati en province Bouvanza, s'est déjà écroulé suite aux fortes pluies de l'année dernière. Reportage sur place. Les matchs des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2019 commencent ce mercredi en Égypte. À 18h, la sélection sénégalaise, les Lions de la Teranga, croise le fer avec la sélection béninoise, les Écureuils. L'autre match est prévu à 21h entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Ce sont des matchs que vous suivrez en intégralité en direct sur votre station, la radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour. Le premier vice-président de la République du Burundi appelle les commissaires provinciaux de la police et les gouverneurs de province à conjuguer leurs efforts pour éradiquer la traite des personnes humaines au Burundi. Cet appel de Gaston Sindimou a été lancé à l'occasion d'un atelier tenu ce mercredi sur le lancement de la lutte contre la traite des personnes au Burundi. Atelier organisé par l'Organisation internationale des migrations, IEM en sigle. Suivez le premier vice-président de la République, Gaston Sindimou. Les expériences, les résultats d'enquête menées par les ministères techniques concernés, les bailleurs de fonds, les organisations de la société civile devront être largement mises en commun pour une riposte efficace à ce fléau. Ensemble, nous sommes appelés à veiller à ce qu'il y soit de mécanismes appropriés selon les besoins et conformément à la pratique, au droit national et international, afin que les victimes de la traite des personnes humaines puissent être rapidement identifiés et dirigés vers les services compétents. Je remercie aussi sincèrement le ministre présent ici, car il est capable aussi, en parfaite harmonie avec les services de sécurité, les gouverneurs qui sont ici, parce que d'après nos informations, les gens qui vont à l'étranger transitent dans leurs provinces et proviennent de leurs provinces. Donc, chacun en ce qui le concerne. La police seule ne peut pas faire quelque chose. Donc, vous êtes interpellés, chacun en ce qui le concerne, surtout les gouverneurs, parce que nous avons vu beaucoup de gens à l'extérieur qui sont massés auprès de l'ambassade du Burundi à l'étranger, et ça fait aussi tracasserie vraiment politique, diplomatique, et ça fait vraiment la honte. Donc, nous demandons aux gouverneurs de faire tout pour arrêter ce fléau. C'était le premier vice-président de la République, Gaston Sindimou. Les éleveurs de la province de Bouvanza ayant bénéficié de vaches, de chèvres et de porcs de la part des projets financés par l'OFIDA sont priés de bien les entretenir et de ne pas les vendre. Le directeur provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage précise que ceux qui ont dernièrement vendu les vaches reçues ont été punis conformément à la loi et ils sont également en train de les rembourser. Spes Caritas Kavanyana. Au mois de mai cette année, par exemple, 10 éleveurs parmi ceux qui ont bénéficié des vaches de la part des programmes et projets soutenus par l'OFIDA ont vendu ces troupeaux, 7 en commune Bubanza, 2 en commune Manda et l'autre en commune Moussigati, selon les rapports disponibles au Bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Bubanza. Wilinda Ikeza, directeur à la DPAI Bubanza, de même que Mélanie Naguarara, responsable du PRODEFI, programme de développement des ferrières dans cette même province, rappelle aux bénéficiaires qu'il est interdit de mal entretenir ou de vendre la vache reçue. Ils doivent bien entretenir ces troupeaux dans le but de céder les veaux aux bénéficiaires se trouvant sur les listes d'attente pour maintenir la chaîne de solidarité comme le stipulent les contrats. Au moment où certains éleveurs demandent l'autorisation de vendre ces vaches après avoir accompli ses devoirs, les responsables à la DPAI Bouanza précisent que ça reste interdit car ils ont toujours besoin des productions de lait et de la fémure. Ils indiquent également que ceux qui ont vendu ces vaches ont été sanctionnés. Spes Caritas Kabanyana, Bouanza, Radio Isanganiro. Merci Spes, on reste dans cette région. Le pont reliant la zone Mouyébé et la zone Moussigati, toute de la commune Moussigati en province Bouvanza, s'est déjà écroulé suite aux fortes pluies de l'année dernière. Des usagers de ce pont affirment que la circulation est presque impossible à ce niveau. Comme conséquence, le trajet qui est effectué à moto au prix de 5 000 francs burundais a été augmenté jusqu'à 10 000. L'administrateur communal fait savoir que le devis déjà fait montre que la réhabilitation de ce pont coûtera plus de 400 millions de francs burundais. Et pour cela, il demande aux autorités habilitées de leur accorder un appui financier pour les travaux de réhabilitation du dit pont. Le point avec Vestine Boutoui. Nous sommes sur le pont déjà détruit, situé sur la rivière Mhanda, séparant la zone Muyewe de la zone Musigati, en commune Musigati. La partie de ce pont la plus endommagée se localise dans la zone Musigati. Visiblement, le dit pont a été construit de façon moderne, à l'aide des métaux et des planches. Des usagers de ce pont, originaires de la zone Musigati, disent que son écroulement est dû aux averses tombées l'année dernière, ce qui fait que la circulation soit difficile à ce niveau. Cependant, certaines des pertes subies, ces habitants de Musigati énumèrent le recul de leur développement. Nous avons un problème sérieux étant donné que cette route nous servait de circulation vers Muyewe et Muzinda. Actuellement, c'est presque impossible car même ceux qui se déplacent à moto sont obligés de s'arrêter ici près de ce pont afin de s'arranger pour accéder sur l'autre côté de cette rivière. Cependant, certaines des pertes subies, ces habitants de Musigati énumèrent le recul de leur développement. Maintenant, le développement semble retourner en arrière car auparavant, nous nous rendions au marché de Muyewe pour acheter et vendre divers articles, ce qui n'est plus le cas. De plus, un des riverains de la zone de Muyewe ajoute la hausse du prix du ticket de transport à cause du délabrement de ce pont. Également, l'administrateur de la commune Musigati signale la réduction des taxes communales comparablement aux années antérieures. C'est une perte énorme au niveau des taxes parce que auparavant il y avait mouvement de marchandises, mais pour le moment, ce mouvement est arrêté pour dire que il y a même réduction énorme des taxes que la commune percevait à travers donc cette transaction. Jean Bosco Ndouiman déplore que le devis qu'ils ont déjà fait pour la réhabilitation de Sopo équivaut à plus de 400 millions de francs bou, la somme que la dite commune ne peut pas avoir. On est en train de chercher donc les bienfaiteurs qui peuvent nous aider à construire ce pont. Parce que après avoir fait le devis, on a vu que vraiment c'est un pont qui demande beaucoup de moyens. Plus de 460 millions, c'est une somme que la commune ne peut pas avoir facilement. L'administrateur de la commune Musigati demande au gouvernement ainsi qu'aux bienfaiteurs un appui financier pour que ce pont soit réhabilité dans les meilleurs délais. La situation est ainsi au moment où il y a un autre pont en amont de ce dernier, situé sur la colline Kayange, qui risque de s'écrouler si rien n'est fait dans les plus brefs délais. Vestine Boutoui sur place en commune Musigati de la province Bouvanza. Célébration ce 9 juillet du 243e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique, normalement célébré le 4 juillet de chaque année depuis 1776. La chargée d'affaires à l'ambassade des États-Unis à Bujumbura, Eunice Rudik, apprécie les réalisations de cette ambassade dans le pays et appelle le Burundi à des élections prochaines apaisées et transparentes. De son côté, Bernard Nahiraja, assistant du ministre des Relations extérieures, qui a représenté le gouvernement, rassure. Il appelle ce pays à accompagner le Burundi dans la mise en œuvre du Plan national de développement 2018-2027 dans le respect de la souveraineté nationale. Des précisions de Mireille Kanyang. Dans son discours, le chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis au Burundi, ambassadeur Eunice Rudik, est revenu sur les réalisations de son pays au Burundi, notamment l'appui aux forces de défense ainsi que l'action de USAID en matière de santé. Se basant sur des tensions dans son pays en période électorale, il a précisé que la situation n'est pas différente au Burundi et voudrait voir des élections libres et transparentes. L'année à venir est important pour nos deux pays, car les États-Unis et le Burundi se préparent pour des élections nationales qui auront des conséquences profonde pour nos peuples. L'année prochaine sera remplie de beaucoup de choses. Des élections libres, équitables, transparentes et inclusives. Des élections libres de toute violence environ. Un puissant signal à la fois au peuple burundais et à vos amis du monde entier pour les informer que vous avancez, que le Burundi est un endroit où les affaires peuvent prospérer et le développement se poursuivre. Il est clair que vous avez fait beaucoup de progrès, mais il reste encore un long chemin à faire. Les Burundais, en particulier les jeunes générations qui souhaitent ardemment un avenir meilleur et plus prospère pour eux-mêmes et leurs familles, comptent sur les candidats durant cette élection pour proposer des solutions concrètes. Cet ambassadeur promet de renforcer la coopération bilatérale. Je tiens à assurer le peuple burundais que notre engagement pour votre avenir est inébranlable. Nous continuerons à travailler ensemble pour trouver des moyens de renforcer et de développer notre partenariat, de resserrer les liens qui se sont détériorés et de rechercher de nouveaux projets et opportunités. Du côté burundais, Bernard Nahiraja, assistant du ministre des Relations extérieures, a rassuré quant aux élections libres et apaisées de 2020. Au moment où le Burundi s'engage dans un nouveau processus électoral devant déboucher sur les élections générales 2020, et je voudrais signaler que les élections de 2020 seront libres, transparentes, apaisées et démocratiques, et dans une étape résolue de mise en œuvre du plan national de développement 2018-2027, je voudrais exprimer le souhait de mon gouvernement de voir les États-Unis d'Amérique cheminer avec plus de détermination à nos côtés dans l'amitié, dans la solidarité et dans le respect de la dignité et de la souveraineté de notre peuple. En période électorale, les droits humains doivent être respectés, a rappelé la chargée d'affaires à l'ambassade des États-Unis au Burundi. Mireille Kanyang. Et en bref, il s'observe une pénurie de certains produits Brarudi comme l'Amstel Bock et l'Amstel 65 centilitres dans différents points de vente dans la capitale Bujumbura et à l'intérieur du pays, comme nous vous l'avons présenté dans nos éditions antérieures. Contacté à ce propos, la Brarudi a confirmé cette pénurie. Reminda Ishimi est en charge de la communication au sein de cette entreprise. Il a expliqué que ce manque de produits Brarudi est dû à la haute saison où il y a une forte demande et rassure que la brasserie Le Burundi est en train de tout faire pour satisfaire les consommateurs dans les meilleurs délais. Les matchs des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2019 commencent mercredi en Égypte. À 18h, la sélection sénégalaise, les Lions de la Teranga, croisent le fer avec la sélection béninoise. Les écureuils. Lors des huitièmes de finale, le Sénégal a battu l'équipe nationale d'Ouganda, Ouganda Cran, 1-0. Et au moment où le Bénin a éliminé le Maroc sur les séances de tir au but, après l'égalisation d'un but partout. L'autre match est prévu à 21h entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Les Super Eagles du Nigeria ont battu 3-2 les Lions indomptables du Cameroun lors des huitièmes de finale, au moment où la formation Bafana Bafana d'Afrique du Sud a éliminé le pays hôte, l'Égypte, sur un score d'un but à zéro. Et tous ces matchs seront retransmis en direct sur les ondes de Radio Isanganiro. Toujours en actualité africaine, l'épidémie de choléra a déjà fait au moins 48 morts dans le nord et l'extrême nord du Cameroun. Les deux régions connaissent une montée du choléra depuis fin 2018. Le ministère de la Santé publique avait déclaré l'épidémie en juillet 2018 et on dénombre 775 cas enregistrés depuis décembre dernier dans la région du nord. Selon les chiffres du ministère de la Santé publique, environ 7% des personnes touchées sont décédées. L'extrême nord présente également une situation épidémiologique alarmante. Et au Tchad, deux structures d'enseignement supérieur ont été suspendues. La faculté de médecine de l'université Emikoussi en N'Djamena et l'Institut international d'Afrique centrale de Mundu. Cette suspension intervient au terme d'une enquête diligentée par une commission tripartite composée des agents des ministères de la Santé, de l'enseignement supérieur ainsi que de l'Ordre des médecins. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr David Oudengar, il existe une inadéquation entre l'agrément obtenu par les instituts mis en cause